Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude de l'Épître aux Hébreux, et nous allons entamer ce matin le chapitre 3. Notre Père du ciel, il est tellement merveilleux de voir que tu nous as laissé tout ce que nous avions besoin de savoir, de comprendre, pour vivre notre vie chrétienne ici-bas. Tu nous as laissé tout cela dans les Écritures. Et les Épîtres aux Hébreux font partie de cela. Et par cette Épître, tu nous donnes des principes, des vérités qui vont aider tes enfants à persévérer jusqu'à la fin. Conduis-nous ce matin par ton Esprit Saint, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous avons vu dans les deux premiers chapitres, Jésus est supérieur aux anges. Et c'était important, et c'est l'auteur, il a consacré deux chapitres sur cette vérité-là. Maintenant, le chapitre 3 va être Jésus est supérieur à Moïse. Pour les Juifs, Moïse était une figure prédominante, comme Abraham, comme David. Et j'ai fait une recherche sur ma Bible électronique. Et Moïse, le mot Moïse dans le Nouveau Testament revient plus souvent que le mot Abraham et revient plus souvent que le mot David, plus souvent que le mot Salomon. Je crois que c'est un des personnages de l'Ancien Testament qui est le plus cité ou le plus présenté dans le Nouveau Testament. Passe au-dessus de 80 fois. C'était quelqu'un de très important dans la foi juive, dans la communauté juive, parmi les Juifs, c'était très important. C'est pour ça que quand les pharisiens se confrontent à Jésus, ils vont souvent dire « Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. » Et Moïse, c'était celui qui avait délivré le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, emmené dans le désert, reçu la loi de Dieu et finalement transmis son autorité à Josué qui a fait rentrer le peuple dans la terre promise. Mais Moïse représentait celui qui avait délivré le peuple et celui qui avait reçu de Dieu les paroles de Dieu et qui lui avait donné ces paroles de Dieu au peuple. Pour eux autres, c'était l'autorité suprême, c'était lui. Pourquoi l'auteur le mentionne-t-il ici? Parce que ces Juifs-là à qui il s'adresse, ces Hébreux-là à qui il parle dans cette lettre, veulent retourner à Moïse, veulent retourner à la loi, veulent retourner au sacrifice pour être sauvés. N'oublions pas ça. L'auteur n'est pas en train de vouloir encourager des chrétiens ici à regarder moins la télévision, à moins pécher, à pas regarder de porno sur Internet. C'est pas ça qu'il est en train de vouloir faire avec eux ici. Il n'est pas en train de vouloir les exhorter à aller à l'église plus souvent. Il n'est pas en train d'exhorter les pères à s'occuper plus de leurs enfants ou d'aimer leurs femmes ou d'être soumis à leur mari. Non, non, c'est pas ça dont il est en train de parler ici. Dans toutes les pistes, ce qu'il veut, c'est d'encourager les croyants, hommes et femmes, à persévérer dans l'évangile reçu des apôtres qui l'avaient reçu du Seigneur, qui était le Fils de Dieu. C'est ça le but ici. Parce que, mes frères et sœurs, même si je deviendrais une personne très morale, comme plusieurs dans notre société qu'on pourrait nommer des exemples qui sont morales, mais s'ils n'ont pas la vérité, s'ils n'ont pas regardé la vérité telle que transmise par les apôtres, ils sont perdus. Toute cette moralité-là qu'on peut faire en tant que chrétien, Je dis pas que ça vaut pas la peine. Non, non, c'est correct. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va être accepté de Dieu. C'est pas ça qui va faire qu'on va être assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ce que l'auteur est en train de dire, garde la foi. Garde la foi transmise par Jésus, parce que Jésus est au-dessus de Moïse. Il est supérieur à Moïse. J'ai déjà parlé avec des musulmans, puis d'autres, ils disaient que Mahomet était supérieur à Jésus. Wow! Quelle folie! Des milliards de gens qui croient que Mahomet est plus important que Jésus, donc aussi plus important que Moïse. Les autres, ils ne parlent que par Mahomet. Nous, on ne parle que par Jésus, parce que Jésus est supérieur aux anges, Jésus est supérieur à Moïse. Il y a tous ceux qui ont suivi par après, à toutes les autres, Mahomet et pape et tout ce que tu voudras, saint, vierge et tout ce que tu voudras. Jésus aussi est supérieur à tout ce monde-là. Donc, c'est lui auquel nous voulons rester attachés. Donc, quel argument prend-il pour démontrer que Moïse est supérieur à Jésus? C'est pourquoi nous allons lire le texte, si vous voulez bien. Chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui avait, ce que, de ce qui devait être annoncé. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc Jésus est comparé ici à Moïse. Moïse. Qu'est-ce qu'on dit de Moïse ici? Moïse fut fidèle, au verset 2, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse. Moïse était un serviteur fidèle, était un homme fidèle dans toute sa maison, dans la maison de Dieu. Dans la maison, ici, ce n'est pas une bâtisse, ce n'est pas un temple, c'est un peuple. Ce qu'il va dire tout à l'heure, nous sommes sa maison. Donc, Moïse a été fidèle sur la maison que Dieu lui avait confiée, sur le peuple que Dieu lui avait confié. C'est Dieu qui l'avait établi sur cette maison-là. Dieu l'avait choisi, Moïse, vous vous souvenez, il l'a choisi en Égypte et il l'a établi chef de la maison d'Israël, chef du peuple que Dieu voulait faire sortir de l'Égypte. Il dit, c'était son rôle. Et Moïse, il a été, au verset 5, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Donc Dieu a choisi Moïse, il l'a établi chef, serviteur sur toute sa maison, afin de faire quoi? Au verset, afin de transmettre, afin de donner ou de rendre témoignage au verset 5 de ce qui devait être annoncé. Moïse, choisi par Dieu, établi par Dieu, sur sa maison, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc, Dieu avait transmis à Moïse la loi sur le mont Sinaï. Il avait donné toute l'information et Moïse devait être celui qui transmette au peuple cette information-là. Et la Bible nous dit qu'il a été fidèle dans ce domaine-là. Pas qu'il a été sans péché. Oh non, il a commis plein de péchés. Plein de péchés. Et il en a commis assez pour ne pas avoir le droit lui-même d'entrer dans la terre promise. Il n'a pas été fidèle parce qu'il était un bon chrétien. Il n'a pas été fidèle parce qu'il a réussi à faire plein de choses que les autres ne pouvaient pas faire. Il a été fidèle dans le sens qu'il a accepté d'être serviteur de Dieu sur le peuple de Dieu et de transmettre au peuple de Dieu la vérité que Dieu lui avait donnée sur le mont Sinaï. C'est pour ça qu'il a été nommé fidèle. Nous, on a tendance toujours à faire, oh, un chrétien fidèle, c'est un chrétien qui obéit, qui moralement marche comme il faut. On a tendance à ramener ça toujours à ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Mais c'est pas ça ici, en tout cas, que l'auteur veut faire ressortir de la part de Moïse. Moïse a été fidèle parce qu'il a accepté de rester attaché à Dieu, il a accepté les vérités que Dieu lui a données, il les a fidèlement transmises au peuple de Dieu. Moïse, serviteur, choisi par Dieu, établi par Dieu, serviteur de Dieu sur la maison de Dieu. Jésus, lui, maintenant. Jésus est plus que ça. Lui, il dit, considérez, verset 1, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, lui, c'est l'envoyé de Dieu. C'est celui qui est le sacrificateur, le lien entre Dieu et vous. Il dit, considérez-le, regardez-le bien. Ça fait plusieurs fois là qu'il parle que Jésus est sacrificateur, souverain sacrificateur. Il en parle, mais on va le voir plus loin. Qui va en parler beaucoup plus précisément, qu'il va être supérieur à Aaron. Un sacrificateur beaucoup de supérieur à Aaron. Mais il dit, considérez-le, regardez bien ce Jésus-là. Qui est-il? Jésus, verset 2, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Lui tout. Jésus, c'est quelqu'un que Dieu a établi, comme Moïse. Dieu l'a établi, Dieu l'a choisi, et lui aussi est fidèle. Lui aussi a été fidèle. Donc, cette fidélité dont il parle ici n'est pas une fidélité morale comme de quoi Moïse était capable d'obéir à la loi comme Jésus. Non, non. Ils sont fidèles dans le sens qu'ils ont accompli le ministère ou la volonté de Dieu ou l'œuvre que Dieu leur avait confiée de faire. Il les a établis pour faire quelque chose et les deux ont fait ce que Dieu avait demandé. Moïse a fait ce que Dieu avait demandé et ce que Dieu avait demandé à Moïse n'est pas la même chose que ce qu'il avait demandé à Jésus. Ce qu'il a demandé à Jésus est d'autant supérieur. Donc, si ce que Jésus a reçu à faire est supérieur, et donc il est supérieur, lui, à Moïse. Au verset 3, il dit, « Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. » Qu'est-ce qui l'a rendu supérieur? Il dit, « Car celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. » La maison ici, c'est toujours, on parle d'un peuple. Celui qui a construit le peuple, même si on mettait au niveau d'une maison en bois, c'est la même vérité. Le contracteur a plus de valeur que la maison qu'il bâtit, n'est-ce pas? Il dit, celui qui a bâti la maison a plus de valeur que la maison elle-même. Et Moïse est fidèle sur la maison que Dieu lui a confiée. Il est son serviteur dans cette maison-là. Qui a construit la maison? C'est Dieu. Chaque maison, au verset 4, est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu qui a construit toute chose. C'est Dieu qui a bâti la maison et qui avait établi Moïse comme serviteur sur cette maison-là. Mais, verset 6, mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Christ est fidèle comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Donc, Jésus-Christ n'est pas un serviteur dans la maison que Dieu a établie ou bâtie ou construite, mais il l'a établie comme fils sur sa maison. Un fils dans la maison est supérieur à Moïse, qui est un serviteur dans la maison. Qui serait assez fou pour traiter un serviteur mieux que le fils? Qui pourrait dire, mon serviteur Moïse est plus important que mon fils? On pouvait vendre des serviteurs, on pouvait faire mourir des serviteurs, on pouvait les échanger, les mettre en prison, comme Joseph était mis en prison par Potiphar. Mais le fils, lui, est, par sa nature, propriétaire de la maison avec le père. Et c'est lui qui va prendre la relève du père, mais que le père s'en aille. C'est lui qui va devenir le chef du serviteur. Donc, le fils sur la maison est d'autant plus supérieur au serviteur parce il en est propriétaire comme le père. C'est juste une question de temps, il va devenir propriétaire de la maison. Il va être le chef de la maison. Vous comprenez l'argument, je crois, que l'auteur veut faire ressortir ici. Moïse, oui, Moïse est un serviteur fidèle. Il a transmis au peuple ce qui devait être transmis. Le Fils, il est aussi fidèle parce que Dieu ne l'a pas établi pour être un serviteur. Il l'a établi sur la maison pour être fils dans la maison. Il est le Fils de Dieu. Étant le Fils de Dieu, étant de la même nature que son Père, cette maison-là est aussi la sienne. Il va être aussi le chef. Il en est aussi le constructeur. Parce qu'il va participer par sa venue sur la terre, par son incarnation, il va participer à bâtir lui-ci cette maison avec Dieu. Parce que cette maison que Dieu veut bâtir, le Fils va participer à la bâtir, cette maison-là. Moïse n'a pas bâti le peuple. Il était serviteur sur le peuple. Mais Dieu et Jésus vont travailler ensemble pour bâtir la maison. Et on va voir que on sait que dans le Nouveau Testament, il est la tête du corps, il est le chef de l'Église, c'est lui qui dirige l'Église, c'est lui qui est le maître de l'Église, c'est lui qui est le seigneur de l'Église. Donc, il est d'autant supérieur à Moïse, qui était seulement qu'un serviteur, un grand serviteur, mais seulement qu'un serviteur. Au verset 6, il dit, cette maison, c'est nous, pourvu, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Si vous abandonnez, si vous ne retenez pas l'espérance dont nous nous glorifions, la ferme confiance dont que nous avions, si on ne retient pas ce que le Fils nous a annoncé, si on ne retient pas comme étant valable et seule chose dont nous avons besoin, le sacrifice qu'il a fait, l'expiation des péchés qu'il a fait. Si ça n'est pas suffisant, si nous nous retournons vers autre chose, nous ne faisons pas partie de la maison de Dieu. Quiconque enlève quelque chose à ce que Jésus a fait, ou quiconque rajoute quelque chose à ce que Jésus a fait, ne fait pas partie de la maison de Dieu. Ne fait pas partie du peuple de Dieu. C'est important, hein? C'est important. Ne rien enlever, ne rien retirer. Ceux qui voulaient être fidèles à Dieu au temps de Moïse, ben, recevaient la loi que Dieu avait donnée et ils mettaient en pratique cette loi-là que Moïse avait emmenée comme étant le serviteur de Dieu. Jésus, lui, étant le maître, le chef de la maison, lui-ci a emmené, hein, il nous a parlé par le Fils, il nous a emmené la bonne nouvelle par le Fils. Le Fils aussi a rendu témoignage de ce qu'il avait vu et entendu. Si on ne garde pas, si on ne se maintient pas dans cette vérité-là, ben on ne fait pas partie de la maison de Dieu. Cette ferme confiance ici, et cette espérance, vous allez voir, cette même petite phrase va ramener au chapitre 11 qui va décrire la foi, c'est une ferme confiance, c'est une espérance. Puis dans le chapitre 11, on va être invité à garder la foi comme les autres ont gardé la foi avant nous pour pouvoir faire partie de la maison de Dieu. Notre Père du ciel, nous sommes ta maison si nous persévérons jusqu'à la fin. Nous sommes ta maison pourvu qu'on retienne jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dans laquelle nous nous glorifions. Et on se glorifie dans le Fils et dans son œuvre. Au nom de Jésus, Amen.